Audiomatique. amorcer la transmission 5, 2, 4 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste londonien Levure James, de son premier album intitulé A Louder Silence, qui a été lancé en 2018. Nous écoutions la pièce Osho. Audiomatic se poursuit sans attendre sur la musique de la formation mexicaine Caifanes. Enamorado de la Audiomatic, cette séquence de deux pièces se terminait avec le groupe Peru Jazz, de qui nous écoutions la composition Desierto del Alma de l'album Mariko, paru en 2016. Avant cela, c'était Caifanes qui nous interprétait sa pièce La Negra Tomasa, qu'on peut retrouver sur les rééditions de l'album homonyme subséquente à 1993. Cette pièce n'était pas intégrée à la première version de l'album paru en 1988. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation anglaise The Cure. We'll be right back.

C'était à Audiomatic le duo anglais Underworld de son plus récent et 11e album intitulé Strawberry Hotel et sorti le 25 octobre 2024. Nous vous avons offert la chanson Hello Sky. Et pour débuter, nous avions droit à la formation anglaise The Cure qui nous présentait son 14e album studio le 1er novembre 2004 qui porte le titre de Songs of a Lost World. De cet album, nous avons entendu la chanson End Song. C'est maintenant la formation allemande Einstürzende Neubauten qui assure la continuité sonore à Audiomatic. Ich will dein lästiges Erbe nicht länger mehr verwalten. Seit gefühlt 2000 Jahren renn ich deinen Lügen hinterher. Wo bin ich jetzt? Ich ohne dich. Das ist alles. Ich ohne dich, du ohne mich, besser ist es. Du hast meine kosmische Wohnung vollständig verwandt. Dabei hab ich deinen Ringelreim viel zu lange mitgetanzt. Als Amöbe und als Übermensch bis Sapiens Sapiens dann brilliert. Bis in 10 Milliarden Jahren die Sonne endlich kollabiert. Ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ohne dich besser dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ohne dich auf und davon. Wo bin ich jetzt? Das ist alles. Ich ohne dich, du ohne mich, besser ist es. Die alte Haut ist abgeschreift und hängend im Gestrüpp. Die Beine in den Bauch gestanden, zu lang gewartet, falscher Dampfer. Drinnen sitzen stehende Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Wo bin ich jetzt? Ein Schluck Wasser in der Kurve. Blümerand, Blümerand. Vergiss mal nicht den Milch gekocht. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Mit Schisslerwein. Ich ohne dich. Du ohne mich. Das ist alles. Ich ohne dich, du ohne mich, besser ist es. Besser ist es. Besser ist es. Das ist alles. Thank you. Nous venons tout juste d'entendre le projet colombien Ali Bombo et sa composition Corre Tubimbula, tirée de l'album Desafinado, publié en 2016. Avant Ali Bombo, nous écoutions le projet Calab de l'artiste italien Raffaele Constantino. De son album Black Noise 2084, paru en 2018, nous écoutions la pièce Yaka Music. Et pour amorcer la séquence, c'était le groupe Einstürzende Neubauten et sa composition Besser Isis, se trouvant sur le plus récent album intitulé Rampen Alien Pop Music, sorti un peu plus tôt cette année. En conclusion de cette transmission 5-2-4 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le groupe finlandais Virta. De son troisième album Horos, lancé en 2023, nous entendrons la pièce Hamo. Les sonoristes vous invitent à écouter la transmission 525 d'Audiomatic en direct mercredi prochain dès 17h ou en différé dans les univers numériques sans contrainte de temps ni d'espace. Pour ce faire, consultez notre profil facebook.com/audiomatic-cfou pour accéder à nos archives numériques. Voici donc le groupe Virta et la pièce Hamo. C'était Audiomatic avec les sonoristes.